Na na na na na. Faut diminuer la cadence, cadence. J'veux pas te faire bobo. Fais doucement, faut diminuer la cadence. Que tu t'avances, mais ne t'accroche pas trop. Laisse-moi serrer ton corps contre mon corps, corps. Encore et encore, ton corps contre mon corps, corps. Aucun désaccord. Et main sur tes hanches. Oublie tout ce qui t'entoure, tes atouts me rendent fou quand on danse. Sur la mélo en bleu sang, est-ce que tu ressens cette chaleur en bas de ton dos? Pour pas que tu en deviennes accro, faut faire doucement. Nos corps sont en accord, tout ça devient dangereux. Faut diminuer la cadence, cadence. Je veux pas te faire bobo, fais doucement. Faut diminuer la cadence, que tu t'avances. Mais ne t'accroche pas trop, laisse-moi serrer ton corps contre mon corps, corps. Encore et encore, ton corps contre mon corps. Encore les accords. Wow. Sukuya, Sukuya. Dangereux, tant dangereux. Allô LS, on y va. Allô LS. Je cours.